d'œufs, madame. C'est bon. On vous demande, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Ne venez-vous pas avec moi, vous me donnerez votre avis. Non, je ne sortirai pas aujourd'hui, j'attends quelqu'un à qui j'ai à parler. Ici, chez moi? Oui. Et à propos, mais c'est vous? Moi? Oui, ne vous l'ai-je pas dit? Quoi? Que j'avais la plus grande envie de vous épouser. Je ne sais pas quand. Tout à l'heure, je ne suis venu ici pour cela. Je m'en souviens pas. Mais à quoi pensez-vous donc? Vos distractions vraiment ne sont pas concevables. Il me semble pourtant... Dites! Je vous ai parlé de mon voyage. Quel voyage? Quel voyage? Quel voyage? Mon voyage en Allemagne. Oh, mais non, c'est moi qui vous ai parlé du mien. Comment, du vôtre? Oui, de ce voyage au bord du Rhin que j'ai fait avec mon mari. Oh, pardon, je vous assure non, que non, c'est... Vous extravaguez, venez voir mes étoffes. Je vous donnerai mon volume de je ne sais plus qui et vous trouverez la fin de votre roman. Mais c'est moi, madame... Monsieur le Marquis, hein, c'est pas vous.